Déjà, il en parle déjà. d'une famille de... Genre moi aussi je viens d'une famille de cocos en fait. Ouais. On dirait, elle me dit, on dirait pas comme ça. Hein. Je dis bah non, bien choisi. Contrebalance un peu.